je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa toujours. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous écoutez les traditionnels sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Bonne fin d'après-midi à tous. Bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques qui se chantent et qui se dansent. Voilà, j'espère que ça fait déjà pas mal de monde qui pourra être agréablement occupé pendant 1h30 à écouter ces différentes musiques. C'est Violette en votre compagnie. Aujourd'hui, je vous emmène dans deux destinations plus particulières. Tout d'abord, faire un petit tour du côté de nos cousins québécois ou francophone d'Amérique. Vous le savez si vous écoutez l'émission qui a déjà de nombreuses années que c'est un répertoire que j'affectionne tout particulièrement. Et puis autre destination, celle de la danse et du bal folk, puisqu'il va y avoir de quoi danser prochainement dans notre région. Nous avons commencé avec la formation Talisque, le titre Echo, un petit instrument que vous ne connaissez peut-être pas. Pas forcément, c'était celui qui donnait souvent la mélodie principale, qui est de la famille de l'accordéon et qui s'appelle le concertina. Et tout de suite, voici Yann Folquet et Pascal Gemme, G-E-2-M-E, extrait de l'album Prince et Habitants. Nous partons du côté du Québec avec le titre « Les habitants de Montréal ». De Montréal se sont fait faire un bâtiment. Se sont fait faire un bâtiment, c'est pour aller jouer dedans sur la mer. Si je vous mens, lâchez-moi dans l'océan. Faire un bâtiment, c'est pour aller jouer dedans. La coque du bâtiment, c'est le toit de l'église Saint-Jean sur la mer. Si je vous mens, lâche-moi dans l'océan. francophone, ce sont différents territoires. Il y a bien entendu le Québec, il y a également la Louisiane, l'Acadie ou les îles de la Madeleine. La formation Wichten nous vient des îles de la Madeleine. Voici le titre, Elle tempête. Passé par le Québec et par les îles de la Madeleine, allons faire un petit tour du côté de la Louisiane. Mais nous n'irons pas très loin puisque nous allons rester en région centre avec, et même dans l'Orléanais, avec la formation Cocodrille Gumbo. Une formation récemment née, voilà, il y a quelques années déjà, mais avec un tout nouvel album sorti cette année, le tout nouvel album de Cocodrille Gumbo, où on retrouve une composition de Fred Peset qui s'appelle Joe Crapaud. Chante un blues pour ce vieux Joe, car sonne déjà l'heure de sa crémation. Mais chaque fois que l'on croit qu'il a viré de l'œil, chaque fois qu'on s'en vient pour le mettre en terre, chaque fois que l'on va refermer son cercueil, Joe Crapaud se lève et commande une pierre. créole et cajun. Médecine et prêtre vaudou. Tout le monde ici sait très bien qu'il reste plusieurs vies au vieux matou. Car chaque fois que l'on croit qu'il a viré de l'œil, chaque fois qu'on s'en vient pour le mettre en terre, chaque fois que l'on va refermer son cercueil, Joe Crapaud se lève et commande une pierre. Fred Pesé, qu'on a connu déjà dans différents répertoires depuis quelques années avec Minuit Guibolle et actuellement dans Cocodrille Gumbo et dans Maudit Français, qui est aussi un groupe où l'on retrouve nos cousins francophones. Des cousins francophones, il y a la formation Mélisande. Dans plusieurs de leurs albums, ils reprennent des titres que nous connaissons bien sur le continent. Ils ont voyagé, ils sont partis du côté du Québec. Voici le titre Angélique et la formation Mélisande. Adieu, je vais m'embarquer, charmante Angélique. Sur ces eaux, j'irai voguer jusqu'à l'Amérique. Dans 6 mois, je reviendrai après le voyage. Alors je t'épouserai. Si j'ai l'avantage, ingrat, tu t'éloignes de moi. Où sont tes promesses que tu faisais autrefois à ta chère maîtresse? Tu m'avais toujours juré un amour extrême. Au tombeau de m'aimer autant que toi-même. T'appréhende rien qu'à peine, sur ces eaux je vole. Le ciel me conduira bien, aussi la boussole. Et si je quitte ce port, c'est avec tristesse. Mais hélas, quelle triste sort, charmante maîtresse. Quand tu seras éloigné de dans l'Amérique, tu vas bien vite oublier la chère Angélique. ferai rien jusqu'à la mort, tu me seras chère. Nulle belle en aucun port ne pourra me plaire. Tiens, voilà cet anneau d'or, et qu'il soit le gage de l'amour jusqu'à la mort auquel je m'engage. Avec une tristesse au cœur, oui, je te l'assure, je verserai mille pleurs sur ton aventure. L'équipage périra, tu feras naufrage, ton bateau se brisera, battu par l'orage. Adieu, mes amis, adieu, il nous faut partir, il nous faut quitter ce lieu avec grand empire. Du Nord est bien agréable. Il nous faut quitter ce port, c'est bien regrettable. Avec une voix dans cette formation, qui accompagnait cette formation Mélisande, que vous avez peut-être reconnue, puisque c'est la voix, une des voix masculines du groupe Vent du Nord, qu'on retrouve tout de suite avec le titre « Les amants du Saint-Laurent ». Joseph était un jeune marchand, avait seulement que 19 ans. Oui, ce cadet, fille du marchand boucher, à Cantanel, 17 années. Québec, 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, leur chère Agathe. Québec, 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, la chère Agathe. Dans le tuteur du bientôt jeune galant, refusant son consentement, ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, y prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, y prendre un canot. Archers de l'air, marée-chaussée, Saint-Laurent, Zagreb, Saint-Nicolas, les amoureux furent capturés dans les cachots de la capitale, furent accusés d'enlèvement, sans fil de la prison royale. Dans les cachots de la capitale, sept ans plus tard, par un beau lundi matin, roi petit, Saint-Brévenis, c'est votre amant qui à nouveau tend la main, ouvrez la porte du souvenir, puis parcourez bien les vallées, pour revenir à l'endroit même, mais où vous avez quitté. Puis parcourez bien les vallées, pour revenir à l'endroit même, mais où vous avez quitté. traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, c'est le mercredi de 18h à 19h30 pour voyager, danser et chanter et faire plusieurs choses à la fois. Même on peut voyager, chanter et danser en même temps. Actuellement, nous sommes en train de voyager du côté des cousins francophones que nous avons du côté de l'Amérique avec le Québec, la Louisiane, l'Acadie et d'autres régions francophones. À l'instant, c'était la formation Vent du Nord. On poursuit avec la formation Genticorum et le titre Pinson et Sandrouille. Pinson et Sandrouille qui voulaient s'y marier. C'était Pinson et Sandrouille qui voulaient s'y marier. Qui voulaient s'y marier, elle n'avait pas de quoi manger. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Et ma fille en a fond bien, mais du pain n'en a fond point. Et ma fille en a fond bien, mais du pain n'en a fond point. Alors pose un blanc pigeon dans son bec, c'est un pain long. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Du pain nous en avons bien, mais de la viande n'en a fond point. Du pain nous en avons bien, mais de la viande n'en a fond point. Alors pose un noir dans ses ailes tient un gigot. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Nous en avons bien, mais du pain n'en avons point. La viande, nous en avons bien, mais du pain n'en avons point. Alors pose une souris sur son dos, porte un mari. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Du pain, nous en avons bien, la musique n'en avons point. Du pain, nous en avons bien, la musique n'en avons point. Alors ça vient il y en aura. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Entrez donc, beau musicien, notre chat est chez le voisin. Entrez donc, beau musicien, notre chat est chez le voisin. Le chat qui était au grenier a troublé la société. Ok, l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Sur le marchand de vin. Il saute au-dessus du musicien. Ensuite sur le marchand de vin. Pour lui sauter sur le pigeon. Puis s'enfuit sur un pignon. Ok, l'on dort. Tire la lirette des trompettes. Il y en aura. Ok, l'on dort. Tire la lirette des trompettes. Il y en aura. Pour lui sauter sur le corbeau. Puis s'envole bien plus haut. Pour lui sauter sur le corbeau. Puis s'envole bien plus haut. C'est Sandrouille d'un coup d'étrier qui lui cause la. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. Et l'on dort, tire la lirette des trompettes, il y en aura. On poursuit avec avec Mes souliers sont rouges. Mes souliers sont rouges, c'est la formation mythique qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années, qui s'était mise en pause, qui est revenue il y a quelques années avec un nouvel album et qui actuellement va nous proposer encore un nouveau répertoire, puisque ce sera un répertoire plus chanté et signé, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui les accompagne et qui traduit les chansons en langage des signes. Mais pendant très longtemps, Mes souliers sont rouges, ça a été aussi un répertoire très québécois. Voici donc Mes souliers sont rouges avec le titre Sans dessus dessous. Sans dessous, sans devant, le sens derrière. Sans dessus, sans dessous, sans devant, le sens derrière. We'll be right back. Et si vous n'avez jamais testé les danses québécoises, eh bien, n'hésitez pas. C'est un très joli moment à passer, très festif. On poursuit avec Adviel Que Pourra, groupe qui n'existe plus déjà malheureusement depuis quelques années, avec le titre « À Saint-Malo-sur-Mer ». C'est la violette tous les samedis pour draguer les caissières. C'est la violette tous les samedis pour draguer les caissières. Qui choisit la plus belle, celle qui s'occupe des poubelles? Qui choisit la plus belle, celle qui s'occupe des poubelles? Son délicat parfum me suit, ses endormants sorcières. Cérémonie, ça sentait pas la cannelle. Pendant toute la cérémonie, ça sentait pas la un petit peu court le morceau et je me suis laissée surprendre par ce morceau donc de la formation Adviel Que Pourra qui n'existe plus déjà depuis depuis pas mal d'années. Voilà, c'en est fini pour cette première partie consacrée à nos cousins francophones. Je vous propose, avant de nous retrouver aux alentours de 19h pour quelques idées de sortie, eh bien de découvrir quelques nouveautés. Et c'est pas une nouveauté, mais je viens de le recevoir, donc pour moi c'est une nouveauté. C'est l'album de Clarisse Lavanant qui s'appelle De Kérouse à Ouessant. Clarisse Lavanant, j'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone très récemment pour qu'elle me parle du projet Cœur de Bretagne. Donc ce sera une rencontre qu'on retrouvera dans quelques temps pour découvrir donc ce spectacle et cet album Cœur de Bretagne. On retrouvera Clarisse Lavanant également au mois de janvier. Ce sera du côté de la salle des fêtes de Boue. Voilà, donc on pourra découvrir ses chansons. Alors je vous propose, avant d'aller la découvrir à bout, eh bien de faire connaissance avec sa voix. Elle reprend sur cet album un certain nombre de chants bien connus. Et voici le très beau titre « Marie-Jeanne Gabriel » interprété par Clarisse Lavanant. Battu par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Raconte-nous l'enfant. battu par tous les vents au ras de l'océan. Ton pays s'est endormi sur de belles légendes illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La peine et l'ennui de l'automne à l'été, on ne vit qu'au rythme des marées. De la naissance au grand sommeil, règne le flambeau de la vieille. On mêle la cannelle au parfum des chandelles. On dira pour embarrasser la mort, joie au trépassé, car sur cette terre fidèle, battu par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume qu'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçante, elle vient jeter la peur sur les naufragés, et le noir habille la ville des femmes du pays. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi sur de belles légendes illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La vie a changé sur le court chemin d'une héroïque à Saint-Corentin. On ne reste plus très longtemps isolé du continent, même les anciens ne reviennent qu'au printemps, et la mer a tourné le dos aux pêcheurs des temps nouveaux. Elle entraînera les marins loin de l'île de Saint. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond des mémoires, et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins d'île de Saint. Voilà une très jolie version de cette chanson Marie-Jeanne Gabrielle, qui est une chanson de Louis Capard, qui a été reprise bien entendu par la formation Triane, mais par d'autres comme Cécile Corbel également, et chacun y donne sa touche personnelle. Autre chanteuse bretonne qui chante en breton, c'est Annie Ebrel. Sur son dernier album, elle reprend des textes d'une poétesse bretonne qui était une paysanne, mais une paysanne qui savait dire les choses de manière poétique. Une chanson qui parle du soleil qui s'est couché et qui, pendant le temps où il n'était plus dans notre espace, a vu des choses horribles dans d'autres coins du monde, et tellement horribles qu'il en a pleuré. Voici Annie Ebrel et le titre « L'Agade à Néol ». Peragek in rue de la gaz A bedez en onz ma o gwalin ve En eus redid le vare de hun Na hun, na hun ve Na val, na mar Texte de la poétesse Angela Duval, mise en chanson par Annie Ebrel, comme le texte qu'on vient d'écouter à l'instant, qui nous parlait du soleil. On poursuit avec une autre nouveauté sortie ces derniers jours, le nouvel album de Tanguy Le Gall Carré. Il a de nombreux invités sur son album, mais au départ, c'est un accordéoniste qui nous propose cet album Neus. Et voici donc le titre générique de l'album. Thank you.

ervi fino a contentarvi. Comme des blancs et jaunes, à coups de rang, et oui, comme des stéo, dit de hound, et j'en viens vous donner. Comme des blancs et jaunes, on dit le mot, le fond d'eau, le fond d'eau, un thé au fond de mille et jaunes, les amours, le fond d'eau, le fond d'eau, un thé au stéo, la langue. La formation Warsaw avec une très jolie mazurka mais très longue. Il vaut mieux choisir un très bon cavalier quand on commence une mazurka comme celle-ci. Elle dure plus de 6 minutes, presque 7 minutes. Je vous propose de la réécouter un autre jour, peut-être jusqu'à la fin, et de retrouver dans quelques instants quelques idées de sortie. Des deux sorties, ça commence dès ce dimanche avec à Main-sur-Loire le bal à Gaston, le bal à Gaston de 2021 qui devait avoir lieu en février, reporté à ce mois de novembre, exceptionnellement un dimanche, donc de 15h à 19h à la salle des fêtes Alain Corneau à Main-sur-Loire. On retrouvera les formations Zurka qui vient de sortir son tout nouvel album et la formation Balbaz. Du 19-20-21, et bien le samedi 20 à Chalette-sur-Loing, c'est un bal folk avec la Godille. Et pour tout le week-end du 19 au 21, et bien c'est l'association Tradamuse qui vous propose trois manifestations du côté de Lyon-en-Sulias, un apéro chanté, un stage de danse et un stage de chant. Donc, vous pouvez contacter l'association Tradamuse si vous êtes intéressé par ces manifestations le week-end du 19 au 21. Plusieurs propositions pour le samedi 27 avec à Saint-Cyr-en-Val un bal folk à 20h30 à la salle des fêtes avec O et Mauresque. Du côté de Saint-Florent-sur-Cher, c'est l'EMDT qui fêtera ses 30 ans avec les musiciens de l'EMDT et en invité La Machine. Et puis dans le Limousin, on peut également aller fêter les 20 ans de la formation Keltas. Et à 11 ans, dans le Loir-et-Cher, bal folk à la salle des fêtes avec les Suffolk. Voilà pour le samedi 27. Donc il y a bal à Main-sur-Loire avec Balbaz et Zurka. Et puis je vous avais parlé tout à l'heure de Clarisse Lavanant. Eh bien j'ai appris avec plaisir qu'elle serait du côté de Boux au mois de janvier. pas encore de titre du nouvel album de la formation Zurka à vous proposer. Alors, je vous propose de retrouver La Machine qui sera donc le groupe invité aux 30 ans de l'EMDT dans le Cher le 27 novembre prochain. La Machine qui prépare également un nouvel album, ce sera pour 2022. En attendant, voici La Rose Blanche, Amour, tu n'entends point. De bon matin me suis levé plus matin que ma tante. Dans mon jardin j'ai descendu cueillir la rose blanche. N'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Dans mon jardin j'ai descendu cueillir la rose blanche. J'en avais pas cueilli trois brins que mon amant y rentre. N'aurais-je pas mon cœur demande? J'en avais pas cueilli trois brins que mon amant y rentre. Ah, il me dit bien doucement, marions-nous ensemble. N'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Ah, il me dit bien doucement, marions-nous ensemble. Consente, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Si mes parents y veulent bien pour moi, j'en suis consente. Mes parents y veulent bien, il n'y a plus que ma tante. N'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Mes parents y veulent bien, il n'y a plus que ma tante. We'll be right back. passé pas mal de temps en Bretagne. C'était un morceau qui nous permettait de faire un petit passage en pays berrichon. Voilà, petit tour du côté du pays du Berry avec la machine, pardon. Voici la sauterelle dans une forêt. Que je reçois me viennent des feuillages des grands bois. La seule musique que j'entends me vient des oiseaux jolis chants. Oh là là là là là. J'ai ma maison dans une forêt, un grand jardin au cœur des futaies. J'ai des bêtes pour amis et leurs yeux ont ma compagnie. Des futaies, j'ai des

Je lui ferai bien voir que je me fiche d'elle. J'irai en voir une autre tout auprès de chez elle. De temps en temps, je vous aime, la belle. De temps en temps, je vous aime. Qui porte des rubans et des jupes à dentelle. On mangera du poulet, elle mangera que les ailes. Chez elle, de temps en temps, je vous aime, la belle, de temps en temps, je vous aime. On lui dira bonsoir, bonsoir, mademoiselle. Cherchez un autre amant, moi j'ai une autre maîtresse. De temps en temps, je vous aime, la belle, de temps en temps, je vous aime. Des amants, mon ami, j'en ai à la douzaine. Tu n'es que le 13e. De temps en temps, je vous aime, la belle. De temps en temps, je vous aime. De temps en temps, je vous aime, la belle. De temps en temps, je vous aime. Les garçons sont trompeurs. Hein. Voilà, on va peut-être rester sur cette image ou pas. C'est avec un instrumental qu'on va se quitter. En tout cas, la formation Mr. Clough. Et après un extrait de suite Loudéac, eh bien, une suite Pline pour rester dans la Bretagne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était traditionnel comme chaque mercredi de 18h à 19h30. On se retrouve, bien, si tout va bien, la semaine prochaine à la même heure. Passez une excellente semaine. Tant que vous le pouvez, allez au spectacle vivant, toujours en respectant bien entendu les gestes barrières. Il ne s'agirait pas qu'on retombe dans tous ces ennuis et qu'on soit obligé de rester à la maison. Voici Mr. Clough pour se quitter. Excellente soirée à vous, excellente semaine.